l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Vous êtes au fond près du radiateur 106.3 FM. Il est 19h jusqu'à 20h30 en direct. On est ce soir avec Mouloud, notre grand chroniqueur. On va également avoir Katia qui va arriver du STRAS, syndicat des travailleuses du sexe. Et puis également différents invités que Mouloud va pouvoir nous présenter. On commencera l'émission avec un petit agenda d'assemblée générale, discussion, débat qui se déroule demain, en journée, en soirée. Et je passe la parole à Mouloud et aux invités. Bonsoir tout le monde, vous êtes effectivement 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel, dans l'émission au fond près du radiateur. Émission qui est diffusée, comme vous le savez, tous les mardis de 19h à 20h30. Et paraît-il qu'il y a une reprise le vendredi à 7h du matin. Vous pouvez aussi nous revoir et écouter sur paraît-il aussi, parce que j'aime bien mettre paraît-il sur Facebook, vous tapez tout simplement au fond près du radiateur et vous pouvez essayer de retrouver une partie de notre actualité et de nos émissions. Alors notre émission a un certain temps, 10 ans, 14 ans paraît-il. Ce qui a été amusant, c'est que tout à l'heure il y avait Rachida, donc je vais reprendre un ou deux de ces termes. Parce que quand il disait c'est qui mes idoles ou comment ils pouvaient se définir, il utilisait deux personnes qui est assez intéressante, c'est Jean Genet au niveau de la prison, etc., et Pasolini. Donc pour reprendre ça, moi je dirais qu'il y a de tout dans cette émission. Et c'est comme un multipot et plein de choses comme ça. Et surtout, c'est une volonté avec de bouts de ficelle de donner un peu une autre vision de ce réel français qui toujours nous interpelle. Comme vous avez peut-être suivi le buzz, on pose la question aujourd'hui dans cette douce France, cher pays de mon enfance, en direct à la télé, à quel degré Mouloud ou un prénom arabe est-il français et à quel degré ce n'est pas une honte. C'est intéressant de voir cette actualité, notamment dans une autre télévision. On peut dire que Oudin était un traître, et, sans le nommer d'ailleurs, parce que je vais être très précis, et qu'il mérite, les lâches méritent 22 balles dans le dos. Ça donne une indication de ce que c'est l'ambiance aussi. Et on axe évidemment notre travail sur la lutte des classes. C'est important aussi d'avoir ça en tête. Et autre chose, c'est aussi pour continuer dans ces délires, d'expliquer que l'équipe de France est une équipe africaine. Donc on est effectivement dans ce réel où le passé présent est très marqué, est un marqueur très important. Et il n'y a pas besoin de Madame Marine Le Pen, paraît-il, puisque ça fait le buzz, puisque avoir un discours racialiste, vendre des centaines de milliers de livres, ça fait le buzz, ça marche. Tant qu'il y a la terre, le sang de Céline, c'est le top. Donc c'est intéressant. Il y a, je crois que c'est en 86, un groupe qui s'appelait les Béruriers Noirs disait « La jeunesse emmerde le Front National ». On a envie de dire à Monsieur Zemmour que la jeunesse emmerde Monsieur Éric Zemmour, qu'on n'est pas de ce délire-là, mais aussi ça dit quelque chose de ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, j'ai oublié les dates d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas imaginer un tel flot de réactions, que ce soit social, que ce soit évidemment sur les questions qui sont clairement... alors on dit ça en France pour un certain milieu racialisé ou racisé, j'ai toujours pas compris, pour dire simplement arabe, voilà, et pour dire ex-colonie. Donc c'est intéressant aussi de comment on détourne les choses. Donc on est effectivement dans ce réel-là. Et oui, on ne pouvait pas s'imaginer ce délire-là. Eh bien nous, on a fait le choix de toujours offrir... comme alternative au minimum le combat et la possibilité de la lutte des classes et de s'interroger sur ce passé et sur ce présent. Voilà. Donc c'était notre petit étito, voilà, et de réaction à chaud sur certains aspects de cette actualité. Donc nous ne sommes pas sur BFNAS, mais bien sur Fréquence Paris Pluriel. Et le point central, c'est évidemment de donner la parole aux militants et à ceux qui ne l'ont pas. Et donc aujourd'hui, on a fait le choix, paraît-il, il y a du monde. Est-ce que vous pouvez comme ça vous saluer et dire qui vous êtes ? Voilà, c'est ça le direct. Ils ne sont pas très habitués. Voilà, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Pierre. Et je suis là pour parler d'un ciné-club militant qu'on met en place actuellement au Saint-Sauveur en partenariat avec Julien qui est ici. Ouais. Bon, moi, c'est Julien, manager du Saint-Sauveur. Et justement, donc, on va faire cette présentation de l'idée des dimanches images militantes. Qu'on a monté avec l'ami Pierrot et d'ailleurs l'ami Mouloud ici présent. Et avec la vocation de faire un peu bouger le lieu en dehors des fêtes et des bonnes beuveries qu'on affectionne. Et on est avec un autre camarade, l'ami David. Voilà. Donc David de l'Action antifasciste Paris-Banlieue. Donc il reviendra un peu sur ce qui s'est passé autour d'abord de ce que était Clément Réméric et... Et voilà cette actualité, parce que pour nous, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir, c'est d'abord un camarade, point, basta. Exactement. Et c'est important aussi de le souligner. C'est pour ça que, qu'on voulait aussi donner la parole, et bien, pas juste de faire des commentaires, et peut-être de voir ce que ça signifie, ce mot antifa, etc., en dehors des clichés, etc. Et puis après, on aura notre camarade qui vient d'arriver, voilà, autour du Stras. Voilà, on la salue, elle est à l'intérieur du plateau. Voilà. Et là, moi, ce que je vous propose avant de commencer à dialoguer, c'est non pas une pause musicale, mais d'abord de la musique. Et puis après, on revient sur l'émission au fond près du radiateur. Voilà. I had the good eyes, but I could not see why I'm wrong. Bonsoir à tous, vous êtes toujours au fond près du radiateur sur 106.3 FM. On va commencer l'émission et juste avant, un petit agenda d'événements AG, discussions, débats que l'on a demain, mercredi 26 septembre. On commence avec une AG du collectif francilien de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est demain 26 septembre, 33 rue des Vignoles. Vous avez le lieu de l'AG, c'est donc à la CNT, hein, dans le Paris 20e. Vous avez donc une AG ouverte à toutes et à tous, pour notamment ceux qui veulent s'informer des suites de l'action à Notre-Dame-des-Landes et des actions à la ZAD. Ils parleront du prochain rassemblement prévu le 29 et 30 septembre prochain sur la ZAD et de ses enjeux. Il y aura des bus notamment qui seront organisés depuis Paris. Le collectif francilien voilà, s'est constitué en automne 2012 au moment de l'opération César. Et son objectif est d'apporter des informations sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et d'apporter son soutien par différentes manières. Vous avez les informations sur le site, notamment Paris Lutte Info. C'est à 19h demain, 26 septembre, à la CNT au 33 rue des Vignoles. Vous avez également demain une AG de rentrée 2018 des précaires de l'éducation en Ile-de-France. Ça se déroule à la Bourse du Travail, toujours 3 rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Toujours les infos sur Paris Lutte Info. Et pour terminer, discussion et débat d'alternatives libertaires et des anti-pubs militants ou non. Ils vous invitent à discuter du rôle et des conséquences et des moyens de lutte contre l'impasse dans laquelle nous enferme l'idéologie véhiculée par la publicité. Ça se déroule au bar Le Kiosque, 15 boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement à Place d'Italie. C'est toujours demain à 19h30 pour les intéressés. Également, si vous souhaitez participer aux prochaines émissions et apporter justement discussion autour dans l'émission en direct, n'hésitez pas à nous appeler toujours au numéro de l'émission qu'on n'hésitera pas de rappeler, hein, le 01 40 05 06 10. Et je repasse le micro à Mouloud et ses invités. Bonne émission à tous. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur. Et là, on a de plus en plus de monde. Je crois qu'il va falloir ouvrir une vraie salle de concert si ça continue. Et puis, on est très content de voir Joe qui est arrivé, Iman. Et voilà. Et on a notre camarade aussi du Strass qui va nous expliquer un peu cette actualité un peu pas évidente, etc. Et on va commencer, si tu veux te présenter juste deux secondes. Bonjour, c'est la première fois que je viens sur cette émission. Je suis Audrey Vol, Katia ou Rita, ça dépend. Je suis travailleuse du sexe et militante et syndiquée au Strass, le syndicat du travail sexuel. Voilà. Merci. Alors, pour commencer, on a fait le choix de... parce qu'on avait déjà fait vite fait une chronique et on avait suivi l'affaire de Clément Méric. Mais là, ce qui nous avait intéressé, c'est effectivement d'avoir un camarade, voilà, qui s'appelle David. C'est ça, hein ? David. Ouais. Voilà. Salut. Et comment tu peux te présenter, voilà, déjà ? Je suis David de l'Action antifasciste Paris-Banlieue. D'accord. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce Mon que parcours, ça veut dire ? Non, déjà ce que ça veut dire antifasciste, voilà. Bah, l'antifascisme en soi, il a plein de. Enfin, il y a plein d'antifascismes différents, si tu veux. En tout cas, celui qui est porté par le nôtre, celui de l'Action antifasciste Paris-Banlieue, c'est un antifasciste dit révolutionnaire, c'est-à-dire qui ne se place pas sous, si tu veux, un peu la ligne politique d'SOS racisme et tout ça, qui considère que les actes homophobes, sexistes, racistes, c'est pas des actes isolés, que ça fait partie d'une institution, d'un système. Et notre but, voilà, c'est simplement de se battre contre ça par tous les moyens. D'accord. Moi, c'est clair. Et pour ceux qui ont plein d'autres questions, vous pourrez effectivement réagir sur notre Facebook. Voilà. Et je trouve qu'au moins, c'est clair, c'est qu'on n'est pas dans SOS racisme. Au moins, ça donne aussi d'autres perspectives. Alors, vous êtes essentiellement un groupe de jeunes, c'est ça ? Je me trompe ou pas ? C'est ça, ouais, de jeunes et de moins jeunes, en tout cas. D'accord. Un groupe affinitaire, ouais. Des gens qui se connaissent, en tout cas. Ouais. D'accord. Et toi, comment... c'était la première question que je voulais que tu dises, c'est comment tu es arrivé à la politique et aussi comment tu es arrivé à ce groupe qui veut se battre contre ce qui est en train d'arriver. Quelque part, je pense que c'est plutôt la politique qui est venue à moi, c'est-à-dire de part de mes origines, le racisme, les contrôles policiers, au faciès. C'est quelque chose que je connais, donc très vite, j'ai eu ce sentiment de me dire que je dois me défendre. tout simplement. Après, j'ai été dans un lycée qui s'appelle le lycée Autogéré de Paris, qui est situé dans le 15e, qui, il faut savoir, est un quartier largement occupé par les fascistes, qui est un peu une enclave, on va dire, gauchiste. Il y a Assas ou un truc comme ça? Ah, on est juste collé, si tu veux, à une annexe d'Assas, qui est fréquentée régulièrement par le GUD et Groupe Union Défense. Droit fait partie Claude Guéant, tout ça, enfin bref, plein de gens aujourd'hui qui font partie de l'élite. Et si tu veux, rapidement, ouais, c'est plutôt les fascistes qui sont venus à moi, quoi, si tu veux, quelque part. Et puis très vite, on a cette volonté d'autodéfense et de s'opposer à eux par, encore une fois, plusieurs moyens, que ce soit physiquement, mais aussi combattre ses idées, avoir un travail social, tout simplement. Voilà concrètement comment j'en suis venu là, quoi. D'accord. Et par exemple, est-ce que les années 80, par rapport à ce qui se passait, c'est une référence pour toi? Alors non. Voilà, pourquoi, c'est juste une question. Aujourd'hui, c'est là aussi pourquoi on est assez fiers du travail politique qu'on a fait. C'est que quelque part, si tu veux, l'image de l'Antifa des années 80, 90, même des débuts des années 2000, qui est un peu, si tu veux, le blanc issu de la classe moyenne, qui va se taper contre d'autres blancs issus de la classe moyenne, quelque part, voilà, bah, bon, ça ne me ressemble pas. En tout cas, moi, ça ne me ressemble pas. Ça a été aussi de mettre au centre des luttes les premiers concernés. Puis même, c'est des codes qui sont différents. Très souvent, on ne va pas écouter de la hoï chez nous, écouter des trucs, s'habiller comme des skins. Voilà, c'est des codes qui sont totalement différents et c'est une culture qui est totalement différente. Et tu peux expliquer, par exemple, en termes musical, c'est... On va plus, après, chacun écoute ce qu'il veut, mais ouais. On va plus écouter, effectivement, être issu d'une scène musicale, issue du rap. Notamment, on ne va pas s'habiller. Encore une fois, je reviens sur les skins parce que pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, tu vois, les gens qui s'habillaient un peu comme les gens qui combattaient. Enfin, et puis surtout qui faisait pour moi peur, enfin, quelque part, et qui reprenait des connes qui sont issus de l'extrême droite, nous, ça nous correspond pas, quoi. Donc voilà, d'accord. Simplement. Alors, tu peux revenir en quelques mots sur ce qui s'était passé par rapport à Clément Méry, parce que ça, c'est quelque chose qui est il y a quelques années, je crois qu'il y a 4 ans, c'est ça ? 5 ans, voilà. Le camarade a été... Il a été assassiné, ouais. Clément est mort le 5 juin 2013, assassiné par des militants de Troisième Voie. Troisième Voie, c'est un groupuscule néo-nazi qui est dirigé par Serge Ayoub, un peu la figure, si tu veux, des skins. Et voilà, et donc il s'est fait tuer. Là, si ça revient dans l'actualité, c'est parce qu'il y a le procès de ses meurtriers. Récemment, il faut savoir que nous, à l'AFA, même si on respecte le choix des parents d'aller devant les tribunaux, tout ça, nous, on n'est pas dans cette ligne politique-là. On a plutôt l'habitude d'être sur le banc des accusés, du fait qu'on pratique des formes de lutte qui peuvent être offensives. À juste titre. Voilà. Donc si tu veux, après bah, encore une fois on soutient les parents dans sa démarche là, mais nous concrètement, je te disais tout à l'heure que pour nous le racisme, ça fait partie des institutions, comme l'institution judiciaire, pour moi c'est l'institution qui sacralise ça, quoi, si tu veux, qui enferme massivement des noirs, des arabes, des pauvres, et évidemment on sera pas représenté. Pour nous l'antifascisme, c'est quelque chose qui se pratique dans les espaces publics, dans la rue, dans les facs, dans les entreprises, dans les usines. Donc nous, si tu veux, on peut pas attendre quoi que ce soit de cette justice qui nous juge, et qui nous juge là en plus dans pas longtemps, enfin. Donc si tu veux, voilà, concrètement, on n'attendait pas grand-chose de ce procès. En tout cas, on n'attendait pas de peine dite exemplaire ou quoi. On s'en fout un peu, quoi. Mais avec le respect qu'on avait pour la famille de Clément. Je peux comprendre par rapport au deuil et tout. Mais nous, si tu veux, nous, c'est pas notre dada, on va dire. Et tu as assisté à ce procès ou pas ? Oui, j'y suis venu quand même. Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Ce que j'ai ressenti, c'est que... que quelque part, moi, ce qui m'a, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la présence de Serge Ayoub, qui a fait sa comédie. On peut dire qu'est une balance. Ouais, qui est une balance. Serge Ayoub, la balance. Passé, c'est que ceux qui étaient sur le banc des accusés, c'était Esteban Morillo, Samuel Dufour et comment il s'appelle l'autre, Alexandre Hérault. Et donc voilà, qui sont pris les peines qu'ils ont pris. Mais si tu veux, c'était assez étonnant de voir que Serge Ayoub n'était pas sur le banc des accusés. On a su que juste avant et juste après, ils étaient en contact avec Serge Ayoub. Que Ayoub a appelé le 36, déjà, qui a le numéro... La préfecture. Ouais. La préfecture. Et qu'en gros, il a balancé leur nom, quoi. Enfin, ce qui ressort pour moi... Tu n'as pas de preuve, camarade David. Ouais, pas de preuve. Pour moi, ce qui ressort, voilà, de ce procès, c'est l'étroitesse, les liens, si tu veux, que Ayoub peut entretenir avec la police, tout simplement. Et en fin de compte, on comprend aujourd'hui pourquoi plein de choses se passent dans les médias, etc., puisqu'en fin de compte, une des figures historiques de ce mouvement, et même il se réclame du socialisme et du nazisme. Solidarisme. Solidarisme, et qui effectivement a fait sa comédie, c'était assez... C'est impressionnant de voir ça, et qu'effectivement, bah, il a pignon sur rue, comme aujourd'hui, plein d'autres personnes ont pignon sur rue. Et Et voilà. Ouais, voilà. Ouais, concrètement, pour moi, c'est ce qui a ressorti son procès. Et puis aussi, son attitude hyper désinvolte, le mec, il est détente, quoi, il est chez lui. Et quelque part, voilà, ça faisait aussi un peu opposition à ce que nous, comme on est quand on est face aux tribunaux, voilà. Ça fait une énorme différence. Ouais, ça fait une bonne, ouais, ça fait une bonne différence. Ah bah, la justice a toujours été l'ami de l'extrême droite en général. Bien sûr, il a été impliqué dans je sais pas combien de meurtres. D'ailleurs, un article sur Street Press qui est pas mal. Ouais, très bon article. Que je conseille, et voilà, où il réapparaît et où ça explique un peu les liens qu'il a eu avec tous ces meurtres, tous ces machins, et puis à chaque fois le même procédé, il poucave. Alors, c'est quoi, tu peux citer, c'est Street Press. Street Press, ouais. Ouais, c'est d'accord. Un article de Street Press. Qui se trouve assez facilement, ouais. Ouais, c'est ouais. Serge Ayoub, celui qui murmurait à l'oreille des tueurs. Voilà. D'accord. Un titre bien trouvé. Bien ouais. Trouvé, et puis ouais, c'est exact, en fait. D'accord. Mmh. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que... voilà, l'autre aspect, qui est... qu'est-ce que vous faites comme type concrètement? Voilà, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir que, si j'ai bien compris, il y a un club de football. Voilà, il y a, c'est-à-dire qu'en fait, là, une des particularités aussi de notre mouvement, ça a été, bon, effectivement, c'est un secret pour personne de s'opposer à l'extrême droite dans la rue, mais pas seulement, ça a été aussi de faire partie des mouvements sociaux. On nous a vus pendant la loi travail notamment, on nous a vus, nous, on prend nos racines notamment aussi dans les luttes anticoloniales. Ce qui faisait un peu opposition avec, pour ne pas les nommer, voilà, la FA, enfin, tous ces gens de la gauche, on va dire un peu blanche, tout ça, dont puissent nos racines, voilà, dans la lutte notamment contre, en 2014, tu sais, dans la guerre sur la Palestine et tout. Enfin, si tu veux, on a des voilà, codes un peu différents, donc on va être présents notamment dans les luttes contre les violences policières. Et on a monté ouais, effectivement un club de foot qui s'appelle le MFC, le Menilmontant Football Club. D'accord. Et qui est un club, si tu veux, autogéré, voilà. Le but, c'est vraiment de lutter un peu contre le foot business, contre le foot moderne, et de considérer que le football, c'est encore quelque chose qui doit nous appartenir, nous, les classes populaires, tout simplement. D'accord. Et par exemple, des gens comme Macklem Mix, ça te parle? Bien sûr, ça me parle. Vas-y, je sais pas, il y a un mot sur lui? Bah, par tous les moyens nécessaires, encore une fois, c'est quelque chose que, voilà, qui revient souvent. Puis encore une fois, voilà, on va plus se porter sur des... sur notamment les Black Panthers, c'est-à-dire aussi avoir un travail social. On a bossé avec les sans-papiers, notamment... Voilà, le but, c'est on essaye vraiment, si tu veux, d'être dans un travail de terrain et de remettre en fait au cœur des luttes les premiers concernés. Ça, ça D'accord. va vraiment être ce qui m'intéresse dans la lutte qu'on mène, quoi. D'accord. Voilà. Et tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. D'accord. C'est une question, bon, est-ce que nous invitons une question à lui poser? Non, ils sont très bien sortis. Hein. D'accord. Alors, je pense qu'on va faire une petite pause musicale et après, on revient dans l'émission au fond près du radiateur. Et merci d'avoir un peu expliqué, en dehors des clichés, etc., un peu ce que vous essayez de faire. Merci. Merci à toi. toujours dans votre émission Au fond près du radiateur, et puis là on s'écoute ce son intitulé Renegade Snares de Omni Trio, et je vais repasser la parole à notre équipe de ce soir, à la vôtre. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Au fond près du radiateur. Et puis, on va parler d'une... parce que c'est bien de parler des initiatives et pas toujours parler un peu de ce qui se passe, mais de voir qu'est-ce qui se passe concrètement et comment les gens, avec de bouts de ficelle, fassent ou pas des choses. Et je trouve que les rapports à l'image, à la musique sont intéressantes et très importantes. Voilà, et on va aborder ça, non pas comme une page culturelle, mais comme l'idée que le militantisme, c'est aussi ça, des images. Et puis, parce qu'elles racontent beaucoup de choses, ces images. Donc, depuis un certain temps, ben voilà, Marteau a décidé un peu de, et avec d'autres, avec moi et Pierre, de transformer un lieu. Et juste un petit clin d'œil, c'est que pendant la lutte de libération nationale algérienne, eh bien, les cafés avaient un rôle aussi de s'organiser, exact, de revendiquer, et que ce n'était pas juste un lieu de débit de boissons, mais elle était d'abord aussi, pouvait être un lieu d'agrégation et de militantisme autour de musique, autour de fraternité, de solidarité. Et je pense évidemment à un chanteur qui s'appelle Slimane Hazen. Voilà, il s'est fait connaître dans ces lieux-là, et c'était une des voies de l'indépendance. Et donc ça parle évidemment de la rue des Amandiers, de ce quartier du 20e arrondissement de Paris. Et voilà, ça a une histoire. Et je trouve ça comme un petit clin d'œil d'imaginer que dans un petit rad, il se passe quelque chose. Et voilà. Ouais, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, c'était venu un peu de ce type de discussion qu'on avait, toi et moi. Le lieu, je l'ai repris en tant que manager il y a plus d'un an maintenant. Donc c'est un lieu qui est bien connu, Saint-Sauveur, 11 rue des Panoyaux. Un lieu de fête. Et un lieu qui avait perdu, d'une certaine manière, on va pas se mentir, un côté revendicatif. Il y avait toujours les militants qui étaient là, bien entendu. Mais on n'utilisait pas l'outil comme il fallait, je pense. Et on a discuté, on a refait le monde, comme souvent au fond du bar, avec le camarade Mouloud, le camarade Pierre. Et on s'est dit, on a un outil magnifique, qui est quand même connu, qui a une belle place sur Paris. Et on a des idées, ça c'est certain. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des diffusions de documentaires le dimanche, qui est une journée assez creuse quand même sur Paris en général, dans tous les agendas, et diffuser, tant qu'à faire, des documentaires qui ont des vocations militantes. On a mis ça en activité l'année passée, sur la fin. Et là, on essaye vraiment de faire en sorte que le lieu vive de plus en plus cette année. Il y a une diffusion qui a super bien marché sur un cycle du camarade Le Maçon, qui est un réalisateur dont Pierre vous parlera plus longuement. Le but étant de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de faire dans le documentaire, et bien entendu, après la diffusion, de pouvoir ouvrir sur des débats qui sont ouverts à tous dans le grand spectre de ce que j'appelle la gauche, donc bien entendu, vous avez compris, pas les socialistes. On avait aussi l'idée de base, avec Mouloud, Pierre et d'autres, de pouvoir retrouver une taverne où on s'engueule en famille. C'est un truc qui avait beaucoup plu à Mouloud. C'est-à-dire que le spectre allant de l'autonomie radicale jusqu'aux camarades de la CGT, puisque oui, il y a des camarades à la CGT. Et l'idée était de, est-ce qu'on peut encore se jeter des verres à la parole dans des lieux sur Paris? Moi, je trouve que non. Je trouve qu'il y a très peu de lieux qui coïncident là. On l'a vu dans les luttes. On a essayé tant bien que mal de faire le lien Chazub-Cahouenoir. Ça a été beaucoup dans les paroles, très peu dans les faits. Et moi, je pense que le lieu, notamment le Saint-Sauveur, le lieu dont je suis le manager, il a vocation à être ce lieu-là. En tout cas, je le veux. Et par le biais de documentaires. Donc, on ouvre les portes à tout le monde dans ce courant-là. Hein. Ne venez pas si vous êtes en mode sauce d'Emery, ça ne nous intéresse pas. Vous allez juste prendre des baffes au mieux. L'idée, c'est de venir nous confronter au réel. Donc, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout. Il y a de grandes chances. Hein, nous, notre orientation est très marxiste, on ne va pas se mentir. Donc on est quand même à l'écoute de certains amis anarchistes quand ils sont un peu ouverts sur le grand capital de Marx. Ça, c'était pour faire rire mon pote. Donc cette idée-là, on va battre le fer tant qu'il est chaud toute l'année. Je remercie Mouloud et FPP de nous avoir donné la parole à ce niveau-là. Parce que notre but, c'est vraiment que le plus possible de gens viennent nous proposer des docus et qu'on puisse comme ça ainsi faire en sorte que le dimanche au Saint-Sauveur soit un lieu d'échange autour de ce qu'est l'image militante. C'est le nom qu'on a choisi avec toi, Mouloud, et Pierre. Le mot image militante, je trouve qu'il est bien trouvé. parce qu'il faut que, avant tout, après un lieu de vie, la semaine, parce qu'on fait la fête, on n'a pas honte de le dire, la fête c'est aussi se rencontrer autour de l'alcool et pouvoir s'amuser, mais c'est aussi le dimanche pouvoir dire on ne fait pas que ça. Voilà. Et donc le but de On fait pas que ça, c'est proposer des documentaires qui vont faire réfléchir les gens. Voilà. Et donc le documentaire en question qu'on a fait, qui a super bien marché, je remercie les gens qui étaient présents, c'est les deux documentaires, hein, si tu vas me reprendre, oui, c'était J'ai 8 ans et Sucre amer. Ces deux documentaires du camarade Lemasson, breton communiste, j'en place une pour tous les bretons communistes, dont je fais partie. Et voilà, une deuxième phase pour mon pote qui est derrière la vitre. Et donc voilà, je vais passer le micro à Pierre, qui est vraiment la tête pensante, avec Mouloud bien entendu, la cheville ouvrière des images militantes du dimanche. Oui, bah, merci Julien, bah, merci Mouloud hein, et FPP de nous permettre de parler de cette initiative. Donc là, tu vas nous parler de documentaire qui est passé hier. Ouais, avant-hier. Avant-hier, lundi, donc, ouais. Une notion du temps qui est très bizarre. Ouais. Et sur, comment il s'appelle, Lemasson. Voilà. Ouais. Et alors, quel était l'intérêt de passer ça et pourquoi, voilà. Bah, l'intérêt, d'abord, c'est que Yann Lemasson, c'est donc un cinéaste militant, lui qui est chef opérateur de profession et qui a travaillé dans le milieu du cinéma dit professionnel et que lui-même à son époque appelait le cinéma dominant. Mais c'était aussi un militant communiste, comme l'a rappelé Marteau, qui est rentré au parti à 20 ans dans sa terre de Bretagne et qui... Au moment de la guerre d'Algérie, a souhaité ne pas intégrer l'armée française et car il soutenait la lutte d'indépendance du FLN. Le problème, c'est que le Parti communiste à l'époque a une position plus qu'ambiguë sur la question algérienne et le parti force Yann Lemasson donc à se rendre en Algérie, ce qui fait, car il est un militant discipliné, et il se retrouve à la tête d'une compagnie de paras, donc il se retrouve à faire du sale, hein, comme les paras et l'armée française a fait en Algérie, hein, qui est un conflit qu'on peut qualifier de torture, de militaro-policier, comment une armée se retrouve à faire du maintien de l'ordre. Et non pas les événements d'Algérie, hein, voilà. C'est un mot ignoble. C'est ça, il s'agit bien d'une guerre d'Algérie. Et donc Yann Lemasson, rentrant du conflit et à moitié taré, quoi, et par l'entremise d'une femme qu'on connaît trop peu, qui s'appelle Michèle Firk, une critique de cinéma communiste qui est morte au Guatemala, ouais, alors qu'elle était au sein de la guérilla sandiniste, a présenté à Yann Lemasson des membres du FLN en France, et il a il a appris à servir des armes de jeunes Algériens dans le bidonville de Nanterre, il a transporté des armes, il a transporté des gens, ça a été un passeur de valises, mais encore plus que ça, hein, vraiment un formateur, quoi. Et après, sous une idée de René Vautier et de Frantz Fanon, qui avait fait dessiner des dessins aux enfants algériens victimes d'isévices dans les cliniques en Tunisie, à la frontière tuniso-algérienne, il a fait un film dans la plus grande clandestinité, hein, parce que la censure à cette époque-là sévissait, et c'est aussi un contexte quand même où l'OS plastiquait dans tous les sens, où le pouvoir gaulliste était extrêmement virulent, donc c'était des conditions de réalisation très très difficiles. Donc ce premier film qui s'appelle J'ai 8 ans, quoi, qui est un film de 8 minutes, qui annonce un peu la forme du cinétracte qu'on va retrouver en 68, quoi, et qui est une sorte de forme coup de poing fait à partir des dessins d'enfants et de leurs témoignages. Il a fait ce film, quoi, qui est un des premiers exemples de film fait en France et qui prend explicitement parti pour le peuple algérien. Il est précurseur dans ce domaine de cinétract. C'est-à-dire que, à la fois dans la forme du cinétract, mais aussi, bon, qui va être élaboré par Chris Marker et Godard par la suite, mais en tout cas sur cette question-là, il faut savoir que les films qui sont faits explicitement en soutien au FLN, ils sont faits soit en Algérie par le FLN lui-même, mais en France, c'est une sorte de page blanche du cinéma. On y fait quelques allusions très timides dans des films comme Muriel de Alain René, mais sinon, voilà. Et donc, du coup, ce film est précurseur notamment d'un cinéma militant qui va se développer après en 68, mais aussi pour ce qui concerne Yann Lemasson en particulier, d'une vocation à soutenir les luttes anticoloniales et anti-impérialistes qui vont se... Tu retrouves ça dans Sucre amer, le deuxième docu, hein, qu'on c'est a passé. C'est ça, exactement. Qui se situe à La Réunion, c'est ça, de mémoire. Voilà, c'est ça, ouais. c'est un, c'est un, c'est un film qui dénonce la campagne de Michel Debré, éminent gaulliste. Très grande famille de qualité. C'est ça, très grande famille de qualité. Et il va suivre donc, les luttes du peuple réunionnais autour du Parti communiste réunionnais de Paul Vergès. Et suite à ces deux films, il va donc continuer sa carrière de chef opérateur professionnel, mais aussi il va continuer de faire des films dans ce qu'il a appelé à l'époque le cinéma parallèle, en écrivant un manifeste qui est disponible sur Internet, que je vous invite à lire. Qui est disponible au Saint-Sauveur aussi, puisque tu l'as laissé. Ouais. C'est ça, il est au Saint-Sauveur. Comment le manifeste pour un cinéma parallèle, et donc qui appelle à faire un cinéma clandestin, qui appelle à se réapproprier l'ensemble du procès de production, du définancement du film à la diffusion, notamment pour des raisons de censure, mais aussi après pour des raisons d'indépendance. Mais c'est vrai que ça nous parle moins, parce qu'on voit les choses comme avérées, mais il faut remettre en exergue le côté précurseur. C'est ça. C'est ça que j'ai adoré dans ton discours. Ouais. C'est-à-dire qu'on a oublié ça parce qu'on baigne dedans, ouais. En 2018, on a l'impression que tout est acquis. Et on a à l'époque des camarades, d'ailleurs Parti communiste ou pas d'ailleurs, hein, ouais. C'est pas le propos, mais qui étaient précurseurs dans ce domaine-là. Et c'est aussi ça qu'on a la chance d'avoir mis en avant, que je répète que Mouloud aussi est partie prenante dans l'idée d'image militante au Saint-Sauveur. C'est remontrer qu'il y a eu une période dans les documentaires, dans les ciné-tracts, où c'était pas acquis, où comme tu disais, les flics déboulaient lors des diffusions, ils arrachaient les bobines. Ils tabassaient les gens, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment une autre époque, faut remettre ça en exergue. Ouais. Et du coup, ces projections, c'est aussi, moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur l'aspect, sur l'intérêt de refaire revivre des lieux qui sont, comme disait Mouloud, ce qui existait, voilà. C'est ouais. Qu'il y a, nous, je veux dire, on a alors le mot culture, il veut un peu tout dire n'importe quoi, mais nous, communistes révolutionnaires, on a une culture, quoi. On a aussi une mémoire, et ces films-là, c'est des films. Bon, bah là, en l'occurrence, le premier sorti en 61, l'autre en 63. Après, il va faire d'autres très beaux films comme Kashima Paradise sur l'industrie. Qui sera sans doute diffusé en novembre. En novembre. Là, vraiment très très très très beau docu. Hein. Alors, ce film-là, ce documentaire, il évoque quoi exactement comme situation ? Sur Kashima Paradise ? Oui. Alors, Kashima Paradise, c'est une grande fresque que Yann Le Masson a fait. Selon les principes du documentaire qui étaient les siens, c'est-à-dire à partir d'une immersion longue et réfléchie au sein d'une population. Et c'est un film qu'il a fait sur l'industrialisation au Japon, le développement du toyotisme, en fait, le développement après-guerre au Japon d'un capitalisme prédateur, quoi. Et du coup, le film porte sur les luttes que l'extrême gauche japonaise, plutôt tendance maoïste, parce que Yann Le Masson, après un long compagnonnage avec le parti après 68, ouais. Va rejoindre les rangs des marxistes-léninistes maoïstes. Personne n'est parfait. Bon, pour moi, c'est plutôt un gage de qualité. Oui, mais on va pas envahir toujours la paysannerie. Il y a scission. Et en tout cas, voilà, ce film, il relate le développement du toyotisme et des luttes étudiantes et ouvrières surtout qui vont s'opposer à ça, et notamment autour de l'aéroport de Narita, qui était un projet qui s'est concrétisé, hein, d'un aéroport construit sur des terres paysannes. Qui n'est pas sans rappeler certains sujets d'actualité. C'est ça, voilà, c'était un peu une sorte de point dans l'histoire à partir duquel on peut se repérer pour penser des types d'occupation du territoire comme la ZAD, hein, qui est évidemment une lutte qu'on soutient largement. Et ce film, voilà, qu'on compte diffuser en novembre, on aimerait bien le mettre en rapport avec les luttes actuelles. Ouais, voilà. Un cycle qu'on pourrait faire sous exergue de droit, mais ça, Pierre est mieux placé que moi pour le dire, sur le documentaire sur Plougoff, qui est une lutte qui est assez similaire sur comment défendre un territoire face à une volonté de destruction, bah, souvent en termes capitalistiques, hein, c'est souvent la même chose. Et donc finir un espèce de cycle par la ZAD, qui est complètement d'actualité, et que j'invite beaucoup de gens à continuer à lutter sur toutes les lieux qui correspondent, comme il y a eu, je crois, à Strasbourg dernièrement. Enfin, il y en a de plus en plus, et à juste titre. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est assez riche comme truc. Moi, je connaissais bien René Vautier. Oui. Voilà, parce qu'avoir 20 ans dans les oreilles, et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres réalisateurs qui, à l'époque, font la même approche, la même logique, la même histoire, qui est un peu très isolée. Et on va essayer de montrer des images qui n'existent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, tu dis... qu'est-ce qui se passe au niveau du cinéma français à cette période-là ? Voilà, est-ce que toi tu peux en parler comme ça vite fait au niveau officiel? Qu'est-ce qu'il y a à l'époque de la lutte de libération nationale algérienne, etc., c'est-à-dire la période de 1954 à 1962? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cinéma français? À ce moment-là, dans le cinéma français, on peut dire qu'il y a une modernité cinématographique qui commence à advenir, quoi. Notamment, l'exemple le plus connu, c'est ce qui va donner la nouvelle vague après dans les années 60, quoi. Donc on va avoir des réalisateurs, là c'est déjà un peu tard pour parler de lui en termes de temps, mais des gens qui, très influencés déjà par les acquis de Robert Bresson ou de réalisateurs comme ça, vont lancer cette période cinématographique qu'on connaît bien et qui s'appelle la nouvelle vague. Mais après, en termes de cinéma politique, justement, la guerre d'Algérie, on voit que entre une censure terrible et une sorte de on va dire caractère petit bourgeois peut-être du cinéma français, ces sujets-là sont masqués, ces sujets-là sont à peine abordés. Et la censure. Et je crois que d'ailleurs Sucre Amer est censuré pendant 10 ans de Le Maçon, pour revenir au camarade Le Maçon. C'est des censures sur des longues durées. Donc. Oui, le film il est fait en 61, il peut être diffusé largement en 74. Avant ça, il est diffusé dans les fédérations de ciné-club, dans les fédérations des œuvres laïques, chez les camarades chrétiens de gauche. Confidentiel en fin de compte. Très confidentiel. Témoignages chrétiens. Et encore, comme l'a dit Julien tout à l'heure, ce sont des projections vraiment presque de cinéma guérilla, quoi. On se planque pour les montrer. Et quand on se fait attraper, la répression est très dure. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ces films-là, c'est que c'est vraiment une sorte de. Quand il s'agit de la guerre d'Algérie, là on plonge dans l'inconscient, quoi, des Français, du cinéma français, quoi. C'est ça qui est assez marrant, parce que c'est quelque chose qui pose problème, qui traumatise certaines personnes, mais les gens qui sont censés porter cette parole-là ne le font pas ou le font très peu, quoi. Et donc des gens comme Yann Le Maçon, bon, alors après ces films, d'un point de vue anticolonial, on peut leur reprocher des choses, mais en tout cas ils posent ils mettent les pieds dans le plat, quoi. C'est ça. Ouais, alors il y a des antécédents avec Afrique 50 par exemple, de René Vautier, qui lui a aussi dû mener une cavale terrible à travers l'Afrique après avoir fait ce film-là. Mais il était en relation avec Le Maçon. Oui, alors ouais, René Vautier, Yann Le Maçon, c'est ça. Alors je reviens sur la caractéristique bretonne on revient au breton communiste. Voilà, c'est ça. Sont deux grands amis bretons communistes, deux grands camarades, et ils se sont ils ont travaillé ensemble, ils se sont aimés, ils ont lutté côte à côte tout au long de leur vie, sauf que René Vautier lui a quitté le parti en 84, donc bien plus tard que Yann Le Maçon. Il est resté fidèle au parti très longtemps, mais en tout cas là on a deux grands baroudeurs, quoi, qui prennent fait et cause pour les luttes de colonisation, en étant très isolés et au sein même de leur propre parti, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ils sont ostracisés au sein même c'est ça, dans leur cellule. Comme les porteurs de valises, par exemple, ont dû agir dans l'ombre avec plus ou moins de bienveillance, mais en tout cas certainement pas officiellement par rapport au Parti communiste, quoi. Le Parti communiste appelle à la paix en Algérie, il appelle pas à l'indépendance de l'Algérie. C'est un terme qui est vachement fourre-tout. La facilité qu'avait le parti à l'époque. Ouais. Alors, je voudrais revenir sur un point, tu as utilisé le mot ciné-tract, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? En fin de compte, on voit bien l'idée, c'est porter une image différente, une sensibilité différente, de témoigner et à la fois de mettre en lumière ce qu'on ne met pas en lumière. Et je ne sais plus, s'il faisait 1 plus 1 égale 3 ou un truc comme ça. Ah oui, alors explique-moi ça. Alors ça, c'est un peu autre chose. Disons que le terme ciné-tract, ça c'est un terme qu'on va plutôt retrouver en 68, quoi. Donc 10 ans plus tard, bon, comme son nom l'indique, l'idée c'est à la base de faire un tract avec un film. Sauf que donc faut se mettre dans un contexte où là faire des films même courts, c'est compliqué. Bon, il va y avoir des formats comme le 16 mm, après un peu plus tard le Super 8, qui vont permettre de faire des films avec des caméras plus légères, mais sinon ça reste assez compliqué, ça coûte cher, les laboratoires c'est compliqué, c'est difficile d'y avoir accès. Donc du coup le ciné-tract, c'est plutôt porté par les groupes d'extrême gauche 68 et presque 68, notamment par Godard et Chris Marker, qui vont vraiment eux confirmer cette forme là et l'idée c'est une forme brève, coup de poing, avec le matériel à disposition qui va être souvent des journaux, des photos, des dessins. Des fois sans bande sonore, hein, parce que la plupart des ciné-tracks de 68 sont muets, quoi. Et l'idée, c'est dans une forme très courte, généralement, j'ai 8 ans, c'est précurseur, mais ça fait 8 minutes. La plupart des ciné-tracks qu'on connaît, c'est 1-2 minutes, quoi. Et l'idée, c'est de dire, on assène on produit une forme cinématographique où on prend parti. Une image militante. Une image militante, c'est le terme qu'on a choisi. Voilà. Ouais. Ce qui correspond bien au ciné-club qu'on veut créer. C'est-à-dire que là, on ne fait pas un cinéma de gauche, on ne fait pas un cinéma politique, non, c'est plus que ça, on fait un cinéma militant, c'est-à-dire que au-delà de la prise de position, il y a la prise de parti. Et ça, ça implique une transformation des choses qui va non seulement dans le discours du film et dans la gestion des images, mais aussi dans le mode de production, le mode de diffusion, qui change, que ce soit en termes de financement, de hiérarchie, de... voilà. Donc c'est... On a vraiment envie de t'écouter pendant des heures entières. Il est inarrêtable. Et je trouve ça très intéressant parce que tu nous éclaires. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit effectivement à la fois une histoire, mais aussi une continuité. Et puis c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas expliqué un peu le cinéma comme ça. Oui. Et j'espère que ça va continuer très longtemps, cette initiative. Et on va faire une petite pause musicale et après on revient très vite sur Au fond près du radiateur. Et à tout de suite. يلمع جبريل فادت عهد وعد دم الغالي طلوا طلوا كتائب مصحهم يلمع جبريل فادت عهد وعد دم الغالي من حارة لحارة هيصلوا رفاقك جبارة من حارة لحارة هيصلوا رفاقك جبارة فشد سلاح حتى نقاتل واحنا للفيدا جرح رفيقه وفراقك يا جبريل ابد ما بعطيكو قسامي البحشي قاتل معاهم رفاضيلي وحد دمهم مع دم القسامي البحشي قاتل معاهم رفاضيلي من حارة لحارة انتقل الخبر وسرارة من حارة لحارة انتقل الخبر وسرارة près du radiateur 106.3 FM et on va reprendre l'émission maintenant avec notre cher Mouloud qui a le sourire ce soir. Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours au fond près du radiateur, merci Robinson. Et voilà, c'est le direct et c'est aussi, encore une fois, je crois qu'on a beaucoup apprécié eh bien, cette présentation de ce que ça veut dire l'image militante, le tract militant, l'image, le rapport à la musique. Et voilà, et je pense que c'est important, là où vous êtes, vous pouvez aussi utiliser votre téléphone et prendre des photos et en faire peut-être quelque chose. Au niveau de la technologie aujourd'hui, j'ai vu les smartphones, c'est très impressionnant. Donc vous pouvez aussi filmer la répression policière, filmer aussi plein d'autres choses, belles ou moins belles. Et ça peut être un aspect aussi du militantisme aujourd'hui. C'est ça aussi l'actualité, c'est là où vous êtes. Si on présente en fin de compte ce type d'expérience en termes historiques, mais aussi d'initiative, c'est aussi pour dire que l'histoire, c'est aussi vous, là où vous êtes, vous pouvez essayer de changer de la virgule. Et il faut effectivement se regrouper et être un collectif. Et voilà, c'est un peu aussi l'idée de cette émission. Donc on va passer à notre chère camarade qui, effectivement, elle a eu juste raison de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans l'émission. On est très contente de la voir régulièrement. Voilà, et on espère qu'à un moment donné, ça deviendra une chronique régulière autour de ce que c'est la réalité cette minorité de personnes qui travaillent et qui sont très souvent attaquées, brutalisées, insultées, régularisées, pas régularisées. Surtout, la loi est extrêmement répressive en fin de compte. Et je veux parler effectivement de ce que c'est que le Stras. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, rappeler vite fait un peu ce que c'est que le Stras et aborder aussi cette actualité un peu morose, voilà. Alors bonjour, moi je suis Rita, je suis travailleuse du sexe. Donc tout à l'heure on m'a posé la question, donc travail sexuel, ce ne sont pas des massages. Hein. Enfin ça peut être des massages érotiques, mais travail du sexe, on m'a déjà demandé plusieurs fois, ah donc t'es gynécologue. Ouais non, ça n'a rien à voir. Je suis travailleuse du sexe, dans mon cas je suis prostituée, mais le travail du sexe c'est tout ce qui est par exemple les films pornographiques, le striptease, la photo érotique. Et je suis activiste au Stras, un syndicat de travail sexuel qui vise à défendre les intérêts de tous les travailleurs du sexe. Donc c'est un syndicat de lutte, c'est un syndicat aussi de solidarité et de communautarisme, fondé en partie par Thierry Schfauser en 2009. Et franchement, ça va, on tient bien la route. On est tous alcooliques au dernier degré, mais on tient bien la route, Adrien. Oui, tu as totalement raison. Ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien, voilà. Alors, ouais, malheureusement, ça va être comme les camarades antifascistes. On va commencer avec une mauvaise nouvelle, un décès. Il s'agit de celui de Vanessa Campos, qui a été assassinée, vous me crucifiez si je dis une connerie, mais le 17 août, dans le bois de Boulogne, lieu où elle exerçait son travail. Du coup, Vanessa, pour rappeler les événements, donc, officiellement, elle a été, selon les médias, elle a été assassinée lorsqu'elle défendait un client. C'est pas tout à fait la vérité. Alors, la vérité, c'est qu'en fait, depuis 3 ans, il y a plusieurs gangs de braqueurs qui s'en prennent régulièrement aux collègues du Bois de Boulogne, pas seulement aux collègues du Bois de Boulogne, aux collègues aussi de Château-Rouge, aux collègues de la rue Strasbourg-Saint-Denis. Et ces braqueurs les harcèlent. Et les braqueurs, effectivement, comme on fait partie d'un des rares métiers à être régulièrement payé en cash et à se balader entre deux clients avec du cash sur nous, et qu'en plus, il n'y a absolument aucune défense juridique de notre métier, que les flics... Je pense que ça va choquer beaucoup de monde ici, mais les flics, voilà, ils sont jamais été vraiment là pour nous aider, ils sont plutôt là pour nous taper sur la gueule. Du coup, ces gangs de braqueurs sont pris à elle, et comme ils s'en prennent à énormément de travailleuses, simplement en sachant parfaitement qu'ils seront impunis, qu'ils n'y auront aucun risque. Et du coup, ces braqueurs, d'ailleurs, sachant qu'on avait alerté plusieurs fois les autorités sur ce qui se passait depuis des années, les autorités ne nous ont jamais pris en compte, et voilà, maintenant on a un décès. Donc Vanessa a été tuée, elle avait 36 ans. Au Bois de Boulogne. D'ailleurs, elle a été tuée plusieurs fois. Elle a été tuée une première fois au Bois de Boulogne. Ensuite, elle a été tuée plusieurs fois par les autres médias. Ça va faire plaisir, Moulou, de tuer taper sur les médias, sur les autres médias. Elle a été tuée une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois par les médias qui ont, par exemple, titré « Un prostitué transgenre se fait assassiner ». Vanessa n'était pas un prostitué transgenre. Vanessa était une personne trans, travailleuse du sexe. Et ce n'était absolument pas un prostitué transgenre, comme on a voulu le croire. Donc, sa mémoire a été souillée de nombreuses reprises. Et par contre, il y a énormément de raisons à sa mort. Il y a évidemment ses braqueurs qui se sont appris à elle, mais l'une aussi des raisons de sa mort qui a énormément favorisé cet acte criminel, cet assassinat, c'est la loi qui pénalise les clients. Pour rappeler, sous Sarkozy, c'était avant le racolage qui était interdit. Et ensuite, c'est devenu le racolage passif. Par exemple, des filles qui n'étaient pas travailleuses du sexe, mais qui avaient le malheur de fumer une clope pendant leur connard de pote qui est toujours labo pour ce putain de cinéma, et qui attendaient devant le cinéma, sur le trottoir, en mini-jupe en fumant leur clope, pouvaient se faire emmerder par les keufs pour racolage passif, même si elles n'étaient absolument pas travailleuses du sexe. Et en 2016, les choses ont changé, et c'est devenu la pénalisation des clients. Donc officiellement, le travail sexuel n'est plus criminalisé, c'est une connerie incroyable, parce que les abolitionnistes ont arrêté de nous dire « Ouais, mais c'est pas vous qui êtes pénalisés, c'est les clients !» Ouais, les clients, on a un peu recours à eux, en fait. C'est un peu eux qui nous payent, du coup, c'est un peu galère, mon gars. Et du coup, la pénalisation des clients, c'est une amende, ça peut être maintenant des stages de rééducation des clients. Au départ, je rigolais, ensuite, j'ai moins rigolé. Où on explique aux clients qu'effectivement, le recours au service d'une travailleuse du sexe, c'est un viol. C'est pas un viol lorsque c'est. Enfin, je me suis jamais sentie violée par mon travail. Mon travail, je vends mes services, je loue des services. Et du coup, on leur balance des conneries, je vous jure, c'est fatigant à lire. Moi, j'ai renoncé à lire tous les rapports parce que je vous jure, c'est hyper fatigant. Et elle a été tuée aussi par cette loi qui pénalise les clients. Et la pénalisation des clients, du coup, ça a eu énormément de conséquences, des conséquences qu'on avait prévues depuis un très long moment. Déjà, c'est des conséquences au niveau de la santé très importantes, puisque la plupart des clients, bah, c'est marrant, choper, par exemple, ou filer le VIH ou des MST, des travailleurs du sexe, ça leur fait pas peur. Par contre, ce qui les fait flipper, c'est être obligé d'aller voir la belle-mère un dimanche au dîner ou de devoir faire un gosse à leur copine. Ça, ça les fait flipper. Par contre, genre, transmettre des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, ça, ça les fait absolument pas suer, les mecs. Du coup, il y a eu une hausse de contamination au VIH. Et là, on va avoir droit quand même à une nouvelle épidémie de grande ampleur parmi les travailleurs du sexe. Et encore une fois, on parle de VIH. Donc tout le monde était bien content d'applaudir son battement par minute à l'époque. J'ai une question. Ouais. En tant que travailleur du sexe, il n'y a pas de protection ? C'était les capotes ? Ouais, ou tu même. Bah, simplement, les clients, la plupart du temps, ils préfèrent faire ça sans capote. Ouais. Et du coup, c'est très dur. Tu prends un coup si tu dis non ou... Bah, soit on se prend un coup, soit ils se cassent. Ouais. Et lorsque le lendemain, on a passé le client le soir même. Ouais. Si le client se barre. Oui, mais si on n'a pas d'autres. Pour le soir même, t'as ton loyer payé le lendemain. Tu prends le risque de... Enfin, si je tombe sur un mec, je sais pas ce qu'il a, et il me dit, bah non, c'est avec capote ou sans. Je lui dis, bah non, mec, c'est avec... Enfin, non, c'est avec capote, et s'il y a pas... Enfin, non, c'est sans capote. Ouais. Si on en met une, c'est mort. Et que tu dis, bah non, gros, enfin... Oui, mais on n'a pas le choix, en mais fait. J'en fais une. Ouais, mais du coup, tu prends le risque, enfin, tu sais pas ce qu'il a, et du coup, ça risque à courir. Ce que essaye d'expliquer. Non, mais j'ai compris son point de vue, mais du coup, la question, c'est... Je comprends la nécessité, il n'y a pas de choix, on a besoin, et je comprends la notion de besoin. Mais du coup, est-ce que ça fait partie des risques du métier de se dire bah, « je peux choper une IST » Bah non. Moi, j'ai pas dû signer pour ça, non, absolument pas. C'est ça, au final. C'est comme, non, c'est pas du tout un risque du métier, absolument pas. C'est devenu un risque du métier à cause des conditions. Oui, non, mais oui, ça a pas lieu d'être. Non, oui, enfin, tu vas pas transmettre parce que c'est ça un truc de connard de le faire. Le sexe, il y a le mot travailleur. Hein, non, mais oui, non, mais je. L'oppression du travail. Je suis d'accord que c'est un truc de vraiment, pour moi, c'est abusé. Mais juste la question, enfin, c'était plus. Enfin, après, c'est particulier parce que c'est le besoin, t'en as besoin pour vivre ou t'en as besoin de faire ce que tu veux, mais c'est un besoin. Mais en même temps. tu sais que tu peux, je sais pas. Ah oui, mais c'est si on n'a pas, encore une fois, mais je comprends plus ou moins ta question. Je comprends, j'aime bien, non, mais t'es surréaliste comme chroniqueuse, j'aime bien des questions. Non, bah, quand on a vraiment pas le choix, encore une fois, que c'est le seul qui en a soirée, que le lendemain on doit payer son putain de loyer à 8h, qu'il y a le propriétaire qui nous harcèle, et ben on accepte. Ou lorsqu'on est obligé, mais au-delà de son loyer, et qu'on est obligé pour payer, genre, à bouffer le soir même. C'est l'oppression. Enfin, non, ce qui est intéressant dans cet exemple du VIH, c'est qu'à partir du moment donné où une population est ciblée par des lois, c'est comme quelqu'un qui est un travailleur sans le droit de titre de séjour, il va accepter n'importe quelle condition de travail pour avoir de l'argent. Donc moins on a de droits, moins on peut effectivement dire non. Et dans l'exemple de la pénalisation du client, ce qu'explique notre camarade, c'est que auparavant, les travailleuses du sexe pouvaient refuser. Plus on a été dans un système répressif et plus les travailleuses ont pu ne plus pouvoir dire non. Parce que la loi, ça amène à ça, c'est-à-dire l'isolement, l'incapacité de dire non. Et le pouvoir et effectivement les délires des clients, c'est leur délire. Sauf qu'à un moment donné, une travailleuse peut dire « je travaille à telle heure et je finis à telle heure ». À partir du moment donné, on casse le code du travail, on ne peut plus dire non. Et c'est un peu ce que c'est un révélateur, oui. L'histoire de la capote, mais en fin de compte. C'est ça. Et puis, il y a le Médecins du Monde, donc je pense que je peux vous situer l'association Médecins du Monde, qui a rendu Bernard un rapport... Kouchner, hein. Voilà. Et qui a rendu un rapport de pénalisation des clients, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois peut-être, quelque chose du genre. Et... Pardon ? Lotus Bleu. Si, mais je crois que là, c'est... du coup, l'association Médecins du Monde, ils ont par exemple rendu le rapport, et les chiffres qu'on voit dedans, c'est que depuis la pénalisation des clients, il y a 36% des travailleurs du sexe qui n'arrivent plus du tout à travailler avec capote. À mon grand désespoir, je fais partie. À chaque fois que je vais pisser, je pense à cette putain de loi, parce que bordel, ça brûle. Et ça fait super mal. Donc, et après, ils sont bien malins, les abolitionnistes, de dire « Ouais, ça te concerne pas, putain, mais même lorsque je vais pisser, ça me concerne, leur connerie. » Et du coup, il y a pénalisation des clients. Donc, effectivement, les MST, le VIH, ils préfèrent avoir des rapports sans préservatif. Aussi, ils sont que, bah, comme ils ont peur de se faire gauler par les keufs, entre autres, lorsqu'on travaille sur le trottoir, par exemple, on travaille dans le bois de Boulogne, bah, ils veulent aller plus loin dans les fourrés. Ils veulent aller beaucoup, beaucoup plus loin pour ne pas prendre le risque de se faire gauler par les keufs. Et bah, du coup, encore moins de sécurité. Voilà, beaucoup moins de sécurité. Et effectivement, s'il se trouve que le client n'est pas un client, mais est un agresseur, parce qu'il y a une distinction à faire entre le client et l'agresseur, lorsque c'est un agresseur qui se fait passer pour un client et que ça dégénère et qu'il y a un problème, bah, on a beau gueuler, les collègues, elles n'entendent pas. Ouais. Et c'est entre autres ce qui est arrivé à Vanessa. Ils ont été beaucoup plus loin dans les fourrés. Depuis la pénalisation des clients, elle travaillait beaucoup loin, plus loin que son lieu de travail. Beaucoup habituel. Plus de risques et beaucoup et voilà. Plus... Bien sûr. Et du coup, bah, les collègues, elles l'ont entendu crier, mais trop tard. Ça fait 10 minutes. D'où l'intérêt de se syndiquer et l'intérêt surtout de rejoindre le syndicat que tu représentes. C'est ça. Comment on peut vous rencontrer, vous contacter? C'est ça. Alors, qui est intéressant. On a une page Facebook, on a un Twitter. Un Twitter, c'est pas moi qui gère ça. Je suis old school, moi, je ne sais pas utiliser Twitter. Il y a un site qu'on est en train de remettre à jour. Sinon, il y a des permanences qu'on organise tous les lundis. C'est de 16 à 20 heures, boulevard Barbès, dans les locaux d'AcceptSté. AcceptSté, donc, c'est une association de lutte pour les droits des personnes trans. Et du coup, on est là-bas. N'hésitez pas à venir nous voir. On a de super bons sites. Faut orienter les gens vers ce genre de structure. C'est ce qu'on fait, effectivement. Le syndicalisme, faut jamais l'oublier, quel que soit le métier. Ben oui, c'est ça. Quelle que soit la zone d'activité, il faut toujours incliner les gens à se syndiquer. Et c'est pour ça que c'est intéressant le fait que tu puisses représenter ce syndicat-là. Il faut vraiment mettre en avant ça. Ouais, c'est cool. Mais un jour, t'inquiète pas, un jour, je vais me faire tatouer Strass sur les fesses. Ça va vachement bien. Sur les fesses ou ailleurs? Pourquoi sur les fesses tout de suite? Non, mais pendant une levrette, à chaque fois, c'est quoi le Strass? Alors écoute, je vais t'expliquer, mon chéri. Du coup, c'est ça, entre autres, qui est la pénalisation des clients, mais je vais revenir tout à l'heure. La pénalisation des clients, c'est une horreur. C'est une des raisons qui ont tué Vanessa. Depuis, avec le Strass, avec AcceptSté ou avec beaucoup d'activistes qui ne font pas forcément partie de l'association, on a organisé des rassemblements, on a organisé des manifestations. Qu'on va continuer d'ailleurs, on n'a absolument pas l'intention de s'en tenir là. Un phénomène, c'était très intéressant, c'est qu'avant, on avait beau mobiliser les médias, personne ne nous répondait, avant le meurtre de Vanessa, sauf notre bien-aimé Mouloud ici présent, qui a toujours eu la sympathie de nous inviter. Merci beaucoup. C'est pas moi, c'est la radio Fréquence Paris Plurielle. Merci Mouloud, non, on ne dit jamais assez merci Mouloud. Quel merci. Mais du coup, lorsque Vanessa a été assassinée, là, étrangement, on a reçu beaucoup plus de mails. Mais c'était des mails, c'est flippant, c'était presque des mails de casting, où c'était « Ouais, maintenant, je vous découvre, est-ce que vous auriez pas par hasard une étudiante, préférence 20 ans, plutôt jolie ?» Blanche, six genres qui se reconnaît aux gens qui étaient assassinés à la naissance, qui pourraient venir sur les plateaux pour nous raconter sa vie horrible, de comment elle est tombée dans le gouffre de la prostitution. Donc on est tombé évidemment sur des mails de pseudo-casting du genre-là, mais sinon on a eu beaucoup plus de mails où des médias pour une fois s'intéressaient à nous. Et lors d'un rassemblement d'il y a un mois à Pigalle, il y a quand même RFI qui est venu me voir et qui m'ont demandé, oui, mais, enfin qui m'ont dit, mais c'est vachement bien l'obligation de vous faire preuve, là c'est bien que vous vous mobilisez enfin. Je sais pas trop ce que j'avais envie de lui faire, mais c'était du sale. C'était hyper violent. Je me suis dit, ah ok. Je lui dis, bien, écoutez, madame, la vérité, c'est que nous, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on se mobilise. C'est juste que c'est que maintenant que vous vous intéressez à nous. Que vous venez vous intéresser à nous. Et du coup, maintenant, on a un grand retour en force des médias qui s'intéressent enfin à nous. Genre, dès qu'il y a une pute qui se fait assassiner, tout de suite, c'est racoleur. En plus, elle était trans, en plus, elle était sans papier. Donc, forcément, c'est beaucoup plus cool et intéressant à raconter. Et ensuite, elle peut être servie dans une optique abolitionniste du genre, oui, ne tombez surtout pas dans le gouffre de la prostitution, parce que quand même, vous allez faire assassiner. Donc, et ça, c'est encore une fois un point à préciser. Non, le risque, le danger n'est pas inhérent au travail sexuel. C'est les conditions de travail qui sont votées, décidées et programmées par le gouvernement et par les abolitionnistes qui rendent la chose dangereuse. Et ce n'est pas inhérent au travail du sexe. Ce sont les conditions de travail actuelles qui sont dangereuses. Ce sont deux choses dont il faut absolument faire distinction. Moi, en tant que travailleuse du sexe, j'ai pas signé pour avoir super mal à chaque fois que je vais pisser. J'ai pas signé pour me faire agresser. J'ai pas signé pour me faire violer. J'ai pas signé pour me faire assassiner. Mais après, du coup, avec la pénalisation des clients, du coup, je peux revenir là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant le racolage passif, on est tous d'accord, c'était de la merde, c'était une horreur. Mais la pénalisation des clients, c'est encore pire parce que c'est extrêmement hypocrite. Que les gens s'imaginent eh bien, que c'est là pour nous aider, pour nous sortir du gouffre du travail sexuel. Enfin, moi, je veux bien sortir du gouffre du travail sexuel si on me nomme comtesse des licornes. Mais en attendant, j'ai absolument aucune envie de sortir de là. Et du coup, c'est devenu un moyen. Ils ont trouvé d'autres moyens, des moyens détournés, pour s'en prendre au travers du sexe. Et c'est par exemple les PV abusifs. Lorsque tu travailles en camionnette au bois de Boulogne, que de manière abusive, tu as un PV, qu'ensuite ta voiture est emmenée en fourrière et que le lendemain, tu dois payer une amende très élevée, mais pas de bon, on t'a retiré ton moyen de travailler, c'est un peu compliqué à gérer quand même. C'est les arrêtés municipaux. C'est par exemple, on va pas se mentir, on est plusieurs à fumer. On sait très bien que parfois, même si on n'a absolument pas le droit, que c'est 68€ et que c'est dégueulasse, on n'a absolument pas le droit de lancer nos mégots par terre. Mais mentez pas, ça nous est tous arrivé un jour de jeter nos mégots par terre. En général, on ne sera pas emmerdé. Par contre, lorsque vous êtes travailleur du sexe et qu'il y a les flics qui vous surveillent, qui sont là, dans le coin de la rue, d'aller fourrer avec des immortels dans les oreilles, et qui sont en train de vous surveiller, si vous chopent en train de jeter par exemple un mégot par terre, là, vous faites embraquer direct pour jet de détritus sur la voie publique. Donc c'est pleinement étourné. Nous, dans notre tournée de rue, on essaie d'expliquer qu'il faut à tout prix que les collègues utilisent des sacs poubelles pour mettre ses capotes, genre de choses, parce que sinon on peut se faire embarquer. Et la différence avec avant, dans le racolage passif, les travailleuses avaient plutôt peur de se prendre une amende, ou pas, au grand essai, ou plutôt se taper une nuit en garde à vue. Maintenant, la plupart des collègues ont peur de se retrouver avec une OQTF, et se retrouver en centre de rétention. Donc, officiellement, ça s'est allégé, alors qu'en vrai, c'est complètement alourdi. Donc, la pénalisation des clients, c'est une horreur. En plus, encore une fois, selon les chiffres donnés par Médecins du Monde, 36%, dont moi, à mon grand désespoir, n'arrivons plus à travailler en imposant pendant la capote. 42% estiment que leurs conditions de vie et de travail sont énormément dégradées, qu'elles sont exposées à énormément de violences depuis la pénalisation des clients. 68% estiment que leurs revenus sont revus à la baisse. Et quand je dis à la baisse, c'est pas 5€ de moins, les gars. C'est énorme. On travaille, on fait 100€ de moins, on fait 200€ de moins. On fait la moitié. Moi, maintenant, je travaille au quart de ce que je travaillais avant. Et du coup, on enchaîne. Ensuite, ce que les abolitionnistes et le gouvernement essaient de nous dire, c'est que ça va lutter contre la traite des êtres humains. Je n'ai plus les chiffres en tête. En revanche, je peux le trouver sur le blog de Thierry Schweizer, Ma Lumière Rouge, qui est sur le site de Libération. Ouais, Libération, on ne juge pas. Je juge. On ne juge pas. Pour une fois qu'on nous donne la parole, merde. Et effectivement, pendant l'année 2017, la traite des êtres humains en France a doublé. Donc on n'essaie pas de nous faire croire que oui, c'est pour lutter contre la traite. La vérité, c'est que personne n'en a rien à foutre. Et de toute manière, je ne suis pas bien persuadée que précariser, invisibiliser encore plus les travailleuses sous prétexte de les aider, ça aide. Parce que la vérité, c'est que si jamais effectivement on a une collègue qui est victime de traite, qui a 15 ans, qui est obligée de faire ça sur le trottoir, il y a beaucoup moins de questions qu'avant. Est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que les abolitionnistes et le gouvernement pensent vraiment que du coup, ceux qui gèrent le trafic vont dire « Oh, il y a moins de questions qu'avant, on arrête !» Non, ils vont dire « Il y a moins de questions qu'avant. » Plus d'oppression. Donc, beaucoup plus de pression, donc elle va travailler beaucoup plus. plus, en baissant beaucoup plus salaire, des conditions, voilà, beaucoup moins cher, dans des conditions beaucoup plus pénibles, beaucoup plus violentes. Tout est contre-productif dans, dans cette... Non, mais c'est juste un, voilà, c'est un moyen de c'est une arme de répression de plus. Et effectivement, après, il y a énormément de choses qu'on a vues. Maintenant, dans la traite, avant, c'était plutôt des filles, par exemple, de 16 ans. Maintenant, depuis la traite, bah, comme les clients sont devenus plus exigeants et que très souvent, c'est quand même des pédophiles, du coup, des clients qui ne sont pas des clients, mais des agresseurs, et bah, du coup, il faut venir des filles beaucoup plus jeunes. Et du coup, il y a beaucoup plus de trafic qu'avant, avec des filles plus jeunes qui travaillent dans des conditions beaucoup plus pénibles. Et du coup, la solution, on nous demande toujours « Ah ouais, mais vous avez une bonne solution, vous ?» Ouais, ce serait déjà de régulariser tout le monde, donner des papiers à tout le monde, décriminaliser complètement, que les clients ne soient plus pénalisés. Et par contre, souvent, on nous propose la solution de la maison close. C'est, je sais pas, moi, en tout cas, et dans le Stras, on est contre la maison close parce que le terme de proxénétisme est très varié. Par exemple, toi, en face de moi, qui m'est très sympathique, si ensuite je te propose de te payer un verre tout à l'heure, tu peux ensuite être poursuivi pour proxénétisme. Mais moi, je suis gérant de bar, donc c'est bon. Ah bah merde, bon bah attends, je vais prendre ton collègue. Bon bah charmant, monsieur. Putain, casse-couille. De toute façon, tu vois, je suis plus sympathique, je te paierai pas de verre du tout. Donc, s'imagine que je te paye un verre, tu peux te poursuivre pour proxénétisme parce que tu as profité de l'argent du travail sexuel. Et ce sera à toi de prouver que tu n'étais pas au courant que l'argent venait de là. Donc, non seulement c'est extrêmement infantilisant, c'est considéré que c'est de l'argent sale. C'est une intrusion totale dans nos vies privées parce que moi j'ai le grand bol de pas être mariée par avoir de gosse. Vous imaginez, je veux dire. Putain, mais mon chien, il peut être proxénète. Les gens en genre... couple, ouais. Non, mais mon chien, je lui paye des croquettes. Le pauvre chien, il profite de l'argent de la passe avec ses putains de croquettes. Donc mon chien est mon proxénète, quand même, c'est important de le dire. Donc le proxénétisme, il faut redéfinir les termes. Mais effectivement, décriminaliser complètement, et on est contre les maisons closes, parce que les maisons closes, reproduire le cadre du patronat avec un proxénète légalisé, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt une coopérative autogestionnée, autogérée, pardon. Donc ça, ce serait notre délire. Les violences policières se sont évidemment accrues. Parce que maintenant, bah, ils nous foutent encore plus de pression. Il faut juste se promener à Belleville. Vous restez 15 minutes debout à Belleville en train de fumer votre clope. Vous ne serez plus poursuivi pour un collège passif. Et restez 10 minutes debout à fumer votre clope à Belleville. En 10 minutes, vous verrez 3 camtards de keufs qui vont passer, contrôler les travailleurs du sexe. Donc il y a un harcèlement policier qui est en permanent, qui est d'une extrême violence, que ce soit à Belleville, au Bois de Vincennes, au Bois de Boulogne, où maintenant, leur nouvelle technique, c'est de déchirer les tentes des travailleuses du sexe au couteau pour qu'elles soient encore plus dans le froid, qu'elles soient encore plus exposées. Du coup, les clients vont aller encore plus loin dans un cercle extrêmement vicelard. Sinon, dans l'actualité, je vois que tu regardes la montre, t'en fais pas, je vais gérer le time. Récemment, on a participé avec le Stras au Congrès international de recherche féministe francophone. C'était du bon délire, c'était très intéressant. Parce que, par exemple, une des associations présentes était Zéro Macho. Zéro Macho est le titre, enfin la définition de l'association Zéro Macho, c'est homme en lutte contre la prostitution. J'ai un peu envie de répondre, occupe-toi ton cul, mon pote. Mais, et en plus, leur atelier, là, c'était libérer la parole des femmes, animé par deux mecs blancs, soixantenaires, extrêmement bourgeois, qui ensuite, lorsqu'on allait les voir, on finit par me prendre par la manche en disant « Oh, vous en allez déjà ?» On va parler d'amour, ça devrait vous intéresser. Et après, il m'a expliqué que comme je suis une pute, bah, l'amour, les relations, tout ça, ou même la littérature, je n'y connais strictement rien. Donc on voit qu'il y a toujours une répression de malades, une stigmatisation sociale extrêmement violente à notre égard. La dernière fois qu'un prof m'a demandé ce que je faisais, je dis « je travaille du sexe », il me dit « Ah, vous viendrez me voir à la fin du cours ». Et à la fin du cours, il m'a chopé par la main, genre « mais tout va bien, mais... vous vous droguez ? » Oui, parce que les putes, c'est bien connu, on passe le temps à se droguer et on fait ça pour payer notre héros. C'est vachement connu. Ensuite, on a tenté de participer à l'université d'été de Marlène Schiappa. Un grand délire. Donc, prétendument la première université d'été féministe, qui est une connerie, il suffit de regarder sur Internet que c'est pas du tout la première université d'été féministe. Et parce qu'ils avaient une table ronde au sujet de la prostitution. Et nous, on s'était un peu renseignés sur les intervenants, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun travailleur du sexe. Du coup, on a voulu les rejoindre en disant « Mais les mecs, ça parle de nous, invitez-nous, on est les premiers concernés. » Évidemment, ils n'ont rien voulu savoir, évidemment, ils nous ont envoyé des keufs à la gueule. Donc, on a tenté vainement de participer face à Marlène Schiappa, mais Marlène Schiappa, de toute façon, Marlène Schiappa, c'est comme Hidalgo, c'est comme Valérie Pécresse, ce sont des proxénètes. Bien dit. De toute façon, ils nous revirent nos camionnettes. Ce sont des proxénètes, entre autres, et j'ai l'argent qui se fond sur le dos avec les PV, les amendes. Clairement. Donc ce sont des l'imposition, proxénètes. L'imposition, là. Ah non, mais Hidalgo, premier proxénète de France, de toute manière. Donc on le répète, Anne Hidalgo, premier proxénète de France. Voilà, au moins c'est clair. Voilà. C'est une question un peu générale, mais moi je me demandais, du coup, dans quelle mesure un féminisme, qu'on peut dire réactionnaire ou de droite, type oser le féminisme, et abolitionniste, quoi, je voulais savoir dans quelle mesure, en fait, ces organisations là organisations-là, elles ont une influence sur le gouvernement, elles sont des interlocuteurs pour eux, et du coup, influencent leurs lobbies. Complètement, oui, en fait, parce que Osez Féminisme, tout ça, c'est quand même des associations gouvernementales, donc ils sont reçus régulièrement, par exemple, chez Madame Schiappa. Il y a une association d'abolitionnistes, donc pas mes copains, clairement, l'Amicale du Nid, qui sont reçus toutes les semaines par Madame Schiappa, tandis qu'elle refuse de nous recevoir. À l'Amicale du Nid, quand même, il y a genre trois anciennes travailleuses du sexe parmi eux, des survivantes, c'est une grosse blague, et sinon qui sont reçues régulièrement, en fait, toutes les féministes blanches qui détestent le voile, tant qu'à faire, et qui sont effectivement très transphobes, lesbophobes, on prend l'eau, sont reçues régulièrement par Madame Schiappa, par Pécresse. Il y a pas mal de députés qui le sont aussi, qui ont des tendances ouvertement abolitionnistes. Donc ils votent les lois et puis il suffit de regarder. Vous allez sur YouTube, vous tapez prostitution pute, vous allez avoir plein de vidéos de propagande où ça va être à quel point le gouffre de la prostitution. Et à la fin, il suffit de regarder générique, c'est toujours l'Amicale du Nid, Osez Féminisme, ni chienne, non, ni pute ni soumise. Non mais le titre, sans déconner les mecs. Dans ma vie sexuelle, je peux adorer me faire diminuer, je suis pute, mais ça n'a strictement rien à voir avec un putain de féminisme. Et il y a aussi chienne de garde, il y a les effrontés. Récemment, juste, on fait pas, je termine. Pour les effronter, on s'est retrouvé du coup, comme on a droit à une grosse médiatisation, ça va faire plaisir, on a été invité par Flash Talk, une émission de la chaîne de l'Assemblée nationale, LCP, on ne juge toujours pas. Et on s'est retrouvé face à l'Amicale du Nid, face à plein d'associations abolitionnistes. Oui, ça a manqué de se taper. Hein. Ça a manqué grave de se taper. Et qui ont dit, oui, nous sommes féministes, nous voulons défendre le corps de la femme. Du coup, c'est un peu un gros doigt d'honneur à tous les travailleurs du sexe qui ne sont pas des femmes, ou qui ne sont pas, genre, qui sont trans, qui sont des hommes. Donc, il y a vraiment dans leur tête, il n'y a que des femmes qui se reconnaissent dans le genre assigné à la naissance qui sont des travailleurs du sexe. Et qui ont passé pendant une heure à dire, oui, nous, on défend le corps de la femme. Et qui ensuite, ça m'a vraiment choquée, ont employé des expressions comme consommer une femme, acheter une femme. Ils croient quoi, les mecs? Que lorsque je taille une pipe ou lorsque je branle un mec, je me coupe la main? Je ne vends pas mon corps, je vends des services sexuels. Ça n'a strictement rien à voir. On s'est retrouvés face à des gens comme ça, qui ensuite nous ont dit que... Et en fait, c'est une réalité frappante. Nous, on était là, on balançait des faits, on parlait d'une réalité sociale, de faits qui étaient là, on avait des chiffres, et ils nous parlaient d'idéologie. Ils nous disaient « c'est mal ce que vous faites ». Ok, où sont vos chiffres, mais pourquoi c'est mal? Parce que lorsqu'on fait l'amour, c'est toujours dans un rapport hétérosexuel, marié, dans un but de faire des enfants. Je caricature à peine. Et on s'est retrouvé avec le présentateur, m'a aussi demandé si vous n'avez pas besoin d'argent, est-ce que vous feriez ça? Frère, je fais ça parce que j'ai besoin de travailler comme tout le monde. Enfin, genre, dès que tu travailles, c'est parce que t'as besoin de thunes, en fait. Ouais. Genre, c'est un peu le but du travail. Réflexe c'est ton bourgeois, besoin d'argent. Standard. C'est ça, donc c'est exactement le réflexe bourgeois. Et en plus, la vérité, c'est que moi, on m'avait fait venir en tant, parce que je suis officiellement, la grosse blague, étudiante à côté. Et du coup, ils ont trop voulu me faire chier sur mon témoignage d'étudiante, alors qu'en vrai, on en a rien à foutre que je suis une putain de travailleuse du sexe. Ce qui est intéressant, si on veut parler de ça, c'est pourquoi je le suis. C'est la précarité étudiante qui est intéressante. C'est pourquoi, lorsqu'on est étudiant, on a besoin de payer ses études, sa fac, qu'on a besoin de payer son logement, sa bouffe. C'est vraiment, c'est ça les bonnes questions. Eh bien, je te remercie pour cette chronique et ça donne, au lieu d'un fantasme, eh bien, du réel. Et on salue tout le travail que vous faites et voilà, c'est le travail, c'est ça a un coût, c'est une réalité sociale et je pense que c'est important que régulièrement, ben, dans cette émission, il y a cette chronique là. Pour pouvoir eh bien déconstruire, c'est comme ça qu'on dit, voilà, c'est très intelligent, cette réalité là et le mettre en avant. Voilà, je voudrais aussi rappeler que la pénalisation du client, c'est la gauche française via François Hollande qui la a gauche, la gauche aussi. Voilà, Mélenchon aussi, Mélenchon, donc on salue aussi ce délire. Donc la question est en fin de compte, pose plein de questions et voilà, de la droite et à la gauche, il y a beaucoup de gens. On salue aussi Gérard Collomb qui est à Lyon, qui a déjà fait au tout début des arrêtés municipaux contre les travailleuses du sexe à l'époque. Voilà. Donc, bien, il est un certain temps où il faut savoir Est-ce terminer. Est-ce qu'on peut placer un petit bon anniversaire Mouloud? Bah, quand même, si vous voulez, c'est voilà. Important. Merci de nous avoir invités et puis bon anniversaire, merci. Camarade. Bon anniversaire, camarade. Et puis on salue tous ceux et tous seuls qui font vivre cette émission et tous ceux qui ne sont pas là, voilà. Et ben comment dire, ben je pense que c'est important vos témoignages et en fin de compte, on vous dit bien mardi prochain ou dans les prochaines semaines pour continuer un peu cette lutte. Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur, et on vous embrasse tous et on remercie tous les invités qui étaient là. Merci, FPP, et vous pouvez tous vous inviter, voilà, et vous applaudir, voilà, bravo. Merci. Et encore un bon anniversaire pour Mouloud.